rien ne sert de mourir. Il faut souffrir à point. Le tsunami et l'eau croupie en sont un témoignage. Gageons, dit l'eau détritue, que vous tuerez moins que moi, ces rebuts. Si peu ? Êtes-vous sage ? Repartit le tsunami léger. Ma consoeur, il vous faudra pour cela infester nombre de marigots et caniveaux, pour éliminer par millions ces nigauds. Ainsi fut fait. Et de tous deux, l'on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre tsunami n'avait que deux vagues à faire. Chantant de celles qu'il roule, bruyantes de loin, attirant les chiens, avides de sensations mortes, viandeurs d'images à l'odeur forte et macabre cohorte. Ayant, dis-je, du temps d'antenne, pour stupéfier, pour séduire, et pour alléger de quelques deniers une conscience humaine déjà atrophiée. Il laisse l'eau viciée aller son train de super tankeur. Celle-ci, bien que ne faisant point de vagues, s'avère sévère, tue, refroidit sous la chaleur. Tsunami, cependant, néglige de tels ravages. Tient ses malheurs pour piètre carnage. Croit qu'il y va de son honneur, d'oxyre avec éclat, d'éliminer dans la clameur au son des claps et sous les projecteurs. À la fin, quand il vit que du fin fond de son bouillon de culture, l'eau croupie entamait un clapotis, il se sentit au pied du mur et partit en trombe, mais les vagues qu'il fit furent vaines. L'eau croupie génocida avant lui. Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je point raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous n'usiez de cette arme de distraction massive qu'est la télévision ?